25%. 25% des défaillances d'entreprise sont dues à des retards de paiement. Et ça, ça n'est pas normal. Alors pour que vous ne soyez jamais à court face à un paiement trop long, au Crédit Agricole, on vous propose Cash in Time. Vous cédez vos factures clients en ligne et recevez l'argent en moins de 24 heures. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable. Sous réserve d'acceptation définitive de votre dossier par Crédit Agricole Leasing and Factoring. Conditions disponibles sur cashintime.com. Le sachiez-vous ? Au cours de la première vague épidémique, au printemps, le British Medical Journal a conduit une enquête sur la pertinence et la qualité des vidéos YouTube consacrées à la maladie. Eh bien, figurez-vous que sur le panel des vidéos sélectionnées, une sur quatre contenait des informations non factuelles et trompeuses pour un total de plus de 62 millions de vues. Heureusement, les réseaux sociaux ne sont pas qu'une route épineuse qui mène vers l'enfer de la désinformation. La crise sanitaire a donné une nouvelle ampleur à des vulgarisatrices ou vulgarisateurs qui ont effectué un travail sérieux et sourcé et qui ont vu leur nombre d'abonnés s'envoler, alors les réseaux sociaux, enfer ou paradis de l'information scientifique. Réseaux sociaux, l'autre pays de la science, c'est le programme Influencé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer la transmission scientifique sur ces réseaux, son envolée ces dernières années, les conséquences de la crise sanitaire sur l'information scientifique online, nous avons le plaisir de recevoir, mais tiens donc, ne serait-ce pas Tania Louis. Bonjour Tania. Bonjour. Quelle voix familière des auditrices et des auditeurs de la méthode scientifique, autrice de la chaîne Biologie Tout Compris, je crois qu'on peut dire influenceuse scientifique aussi, mais on en discutera tout à l'heure. Tiens, Marion Sabourdis également, bonjour. Bonjour Nicolas. Autre voix familière chargée des nouveaux médias, médiatrice scientifique à la Casemate à Grenoble, et Laurent Chicoano, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Quai des Savoirs à Toulouse, mais on commence par de la bonne information, bien sourcée à sa mère, comme chaque jour. Rien de plus solide, bien sûr, que le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une étude parue hier dans la revue Astronomie and Astrophysics, les galaxies jeunes, même très jeunes, sont déjà très anciennes et très matures. Une équipe française a voulu observer des galaxies lorsque l'univers était assez jeune. Aujourd'hui, l'univers a 13,10 milliards d'années. Les chercheurs ont observé des galaxies alors qu'il était âgé de seulement 1 milliard d'années. L'objectif, c'est de comprendre comment se forment les premières galaxies et comprendre comment elles ont évolué jusqu'aux galaxies qu'on observe aujourd'hui dans notre univers proche. Ils ont étudié 118 galaxies qui ont d'abord été découvertes dans le rayonnement ultraviolet et infrarouge des télescopes Hubble et Spitzer. Puis ils les ont observées pendant 70 heures avec l'interféromètre ALMA installé sur le plateau d'Atacama au Chili. Grâce aux ondes submillimétriques, ils ont mesuré la quantité de gaz et de poussière de ces galaxies. Résultat, ces galaxies ont déjà vu mourir au moins une génération d'étoiles. Guylaine Lagache est astronome au laboratoire d'astrophysique d'Aix-Marseille et co-signataire de cette étude. On a voulu aller voir dans ces galaxies quel était leur contenu en gaz et en poussière. Donc le contenu en gaz, c'est très important parce que c'est ce qui permet de faire la formation des étoiles. C'est-à-dire c'est le combustible qui permet de former des étoiles. Donc en allant chercher quel est leur contenu en gaz dans ces galaxies, on peut comprendre quelle est leur formation d'étoiles telle qu'on l'observe. C'est-à-dire qu'on observe, nous, un taux instantané de formation d'étoiles. Et puis on voulait aussi aller observer la poussière, parce que la poussière, c'est un élément qui est produit par les premières générations des étoiles. Et donc en observant la poussière, on peut ainsi voir un peu quel est l'âge de ces galaxies. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des galaxies un peu primordiales, qui viennent de sortir des âges sombres de l'univers, ou est-ce que ce sont des galaxies déjà évoluées ? On a observé des galaxies dont la masse était déjà très importante, puisque ce sont des galaxies dont la masse est proche de notre Voie lactée. Donc c'est quand même des galaxies massives. Et puis, Pour être sûr de pouvoir les voir avec ALMA, on a aussi sélectionné les galaxies dont on savait qu'elles formaient des étoiles. C'est-à-dire qu'elles forment 10 fois plus d'étoiles par an que notre Voie lactée. Donc c'est des galaxies déjà massives et qui forment plus d'étoiles que la Voie lactée. Et on a pu comme ça voir qu'en fait ce sont des galaxies qui étaient déjà très matures, qui contenaient beaucoup de gaz, de combustible pour la formation d'étoiles, qui étaient très très riches déjà en poussière. Et puis, on a pu aussi voir que dans cet univers jeune où les galaxies sont en train de se former et de former leurs étoiles, en fait, il y a beaucoup d'activités, c'est-à-dire qu'elles vont former leurs étoiles de façon un peu violente et donc elles vont expulser le gaz dans la toile cosmique par la formation d'étoiles. Ça va faire une espèce de vent, hein, comme on peut voir le vent qui va pousser la poussière. Mais là, le vent va pousser le gaz en dehors de la galaxie et alimenter le milieu autour des galaxies, etc. Et ce qu'on observe dans ces galaxies-là, c'est qu'on mesure les mêmes lois que dans notre univers local. Et on va retrouver évidemment, comme tous les jours, cette étude sur notre fil Twitter @laméthodefc ainsi que sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans Nature Medicine, le parasite du paludisme modifie le fonctionnement de ses gènes pour se cacher dans le sang humain. Et chaque année, environ 200 millions de personnes contractent cette maladie qui a tué en 2018 près de 400 000 personnes. 5 espèces du parasite Plasmodium en sont responsables. Une équipe allemande a étudié l'une d'elles. Les chercheurs ont suivi 600 personnes au Mali pendant 2 ans et ont analysé les gènes du Plasmodium falciparum prélevés à différentes saisons. En saison sèche, le parasite produit une molécule qui influence les globules rouges, ce qui lui permet de persister dans le sang à bas bruit, avant de se réveiller pour la saison des pluies. Selon les auteurs, pour réussir à éliminer le paludisme, cibler les personnes qui tombent malades ne suffira pas. Il faudrait aussi traiter les patients pendant les saisons sèches. Selon une étude parue dans Science Advances, pour les colonies d'abeilles, le microbiome intestinal définit l'appartenance à un groupe social. Comment les abeilles d'une même ruche se reconnaissent entre elles, hein, d'autant plus qu'on sait qu'il existe une grande diversité génétique au sein d'une colonie. Cette équipe américaine vient de prouver que chaque colonie possède un parfum particulier, influencé par la flore bactérienne intestinale des abeilles. Comme les abeilles d'un même groupe partagent leur nourriture, elles développent une signature chimique spécifique à leur colonie. Encore une fois, cette étude montre l'importance du microbiome dans les traits de comportement des animaux. Et enfin, selon une étude parue dans la revue American Psychologist, des psychologues ont découvert les types de personnalités pour qui le confinement est le plus difficile. Une équipe internationale a analysé les réponses d'une enquête mondiale sur le comportement et sur la perception des événements entre mars et avril. Les chercheurs ont analysé les réponses de plus de 100 000 personnes de 55 pays. Les participants ont d'abord été classés selon le modèle des Big Five, un modèle descriptif de la personnalité en 5 traits. Il y a l'ouverture, la consciencieusité, l'extraversion, l'agréabilité et le névrosisme. Selon les chercheurs, ces facteurs de personnalité pourraient prédire si les gens respecteraient ou non un confinement. Et selon ce papier, seuls ceux de la catégorie extraversion sont plus susceptibles d'effreindre les règles de quarantaine, car ils supportent plus difficilement l'enfermement. J'en connais qui vont pas être joyeux ce soir. Merci beaucoup, Natacha. Et on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Cela fait bien longtemps, et ça a été d'ailleurs formalisé par Paul Lazarsfeld en 1944 dans son ouvrage The People's Choice, que l'on sait donc que l'influence des médias de masse ou de grands groupes de communication économique ou politique, eh bien, est très largement inférieure à l'avis d'un petit nombre d'individus qualifiés à l'époque de leaders d'opinion et aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, d'influenceurs. Mais comme le veulent ces deux adages contemporains, avec de grandes audiences et donc de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, et faut-il se servir de ces grands pouvoirs pour faire le bien ou pour faire le mal? Vaste question, c'est un soupçon manichéen, mais qui résume tout compte fait assez bien l'enjeu de la personnalisation de la vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux. Certaines youtubeuses ou youtubeurs gagnent une réputation de rectitude scientifique et avec elles de nombreux abonnés, quand d'autres font strictement l'inverse avec tout autant de succès. Alors faut-il ou non engager la responsabilité des éditeurs, YouTube, Facebook, Twitter ou Instagram? Quel est le rôle des institutions scientifiques là-dedans, ou celui d'ailleurs des médias devant le succès parfois vertigineux de quelques-unes ou quelques-uns de ces souvent tout jeunes vulgarisateurs? En forme de réponse, un extrait récent d'un sujet sur une chaîne Tout Info à propos d'un groupe Facebook qui avait réuni beaucoup, beaucoup de monde. Ce week-end, on a vu apparaître un débat sur Internet, les groupes Facebook de soutien au professeur Raoult. Oui, un en particulier, et notamment un groupe qui a été supprimé pendant deux jours. Son nom, c'est Didier Raoult versus Coronavirus. Alors, c'est un groupe public de 500 000 abonnés, c'est absolument énorme. À titre de comparaison, le plus gros groupe de Gilets jaunes, c'était 200 000, c'est toujours d'ailleurs 200 000 abonnés. Il a été créé le 20 mars 2020, sa description, elle est simple, elle est nette. Didier Raoult est l'unique chercheur au monde qui a une piste pour nous sauver. Et est-ce qu'on sait pourquoi ça a disparu ? Alors auprès de BFM TV, Facebook parle d'une erreur. Les administrateurs, eux, expliquent ne pas savoir pourquoi il y a eu cette suppression momentanée. Alors le groupe a été réactivé ce matin, mais c'est vrai que ça met en lumière l'un des problèmes de la modération de Facebook, à savoir l'opacité sur cette fameuse modération, comment les règles sont appliquées. Et c'est d'ailleurs cette opacité qui devrait être abordée dans un projet de loi par le gouvernement, justement, pour que les réseaux sociaux soient plus transparents. Voilà, un des succès indéniables et incontestables de cette crise sanitaire, l'audience numérique des followers et des gens qui suivent Didier Raoult et qui ont été emportés par ses thèses et ses convictions. Peut-être une réaction les uns les autres à ce que vous venez d'entendre, Tania Louis ? Oui, bah moi ça me surprend pas plus que ça. Ceci dit, je trouve que justement, ce qu'on a vu émerger dans cette crise qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il se passe à peu près la même chose sur les réseaux sociaux que dans les médias, en fait. C'est-à-dire que on parlait avant des gens non crédibles qui prenaient de la place sur Internet, bon, on s'est rendu compte qu'il y a aussi des gens qui tiennent des propos clairement non rigoureux scientifiquement et qui ont aussi occupé beaucoup de place dans les médias. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'un est lié à l'autre, que les médias ont justement voulu suivre l'affluence sur Internet pour donner de la place à des gens dont ils savaient qu'ils avaient de l'audience ? J'ai l'impression que ça s'est un peu passé dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient déjà une bonne audience Internet, bon, c'est le cas de Didier Raoult, hein, l'IHU a sa propre chaîne YouTube qui marche très très bien, mais il y a aussi des gens qui n'avaient pas spécialement de visibilité sur Internet, mais qui ont été des bons clients des médias, et qui, grâce à ça, ont gagné de la visibilité sur Internet. Laurent Chicoineau, votre sentiment par rapport à cet extrait de BFM, et puis par rapport au cas général de Didier Raoult, dont on pourrait dire qu'il a saisi les codes de communication scientifique hors médias traditionnels via Internet, et que c'est à travers finalement cette campagne numérique qu'il a réussi à se constituer cette persona publique, et donc du coup l'audience qu'on lui connaît. Oui, absolument. Je pense que Tania a raison par rapport à l'idée de dire que bah, les médias, finalement, les réseaux sociaux, ça marche un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est les médias du 21e siècle. Ce que je retiens surtout, c'est que en fait, à travers des arguments de scientificité, on peut aussi se faire connaître et avoir de l'audience, même si on raconte des balivernes et qu'on n'est absolument pas dans le message scientifique. Donc je pense qu'on peut aussi détourner la science, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision. J'ai retrouvé une archive récemment de l'INA avec Pierre Dac, alors qu'il lui ne se déclarait pas du tout scientifique évidemment, mais qui tenait un discours d'expert en 49, bon c'est très amusant parce qu'en fait on se rend compte exactement qu'il utilise un vocabulaire qui est celui que les scientifiques, les vrais, utilisent aussi. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait ce média et ces réseaux sociaux sont un miroir déformant de la réalité. Marion Sabourdi à ce propos. Oui, pour compléter ce que disait Laurent, c'est intéressant de voir que en termes de code de communication avec Didier Raoult, on est vraiment dans l'image d'Épinal du scientifique à blouse blanche, celle contre laquelle on lutte pas mal dans nos centres de sciences, en fait, pour montrer que le scientifique, c'est pas uniquement ce cliché-là, finalement. Et on se rend compte qu'en fait, bah, ça marche de se présenter de cette manière, de se présenter comme l'image d'Épinal du scientifique. Et bah, finalement, sur les réseaux comme dans les médias, ça a marché. Donc, est-ce qu'il faudrait pas peut-être remettre un petit peu plus de journalisme scientifique dans ces émissions, faire confiance peut-être un peu plus à du fact-checking, on va en parler, j'imagine. C'est exactement ce dont il va être question, et puis vous prêchez un convaincu. On va évidemment pas, moi je voulais évoquer Didier Raoult au début parce que c'était évidemment, il me semblait un symbole intéressant de quelqu'un qui utilise justement ce nouveau canal de vulgarisation pour recruter beaucoup d'abonnés, pour recruter beaucoup de citoyens et de citoyens qui vont donc consommer cette information sans filtre. Mais on va également parler des succès, parce que finalement aujourd'hui la vulgarisation scientifique sur YouTube, et nous sommes bien ou mal placés d'ailleurs pour en parler, puisqu'on reçoit depuis le début de la méthode scientifique un vendredi sur deux un ou une de ces vulgarisatrices autour de la table pour parler de la science et pour vulgariser avec des membres de médias plus traditionnels. Aujourd'hui, quelle est la place de la vulgarisation sur les réseaux sociaux ? C'est la question que nous nous posons tout au long de cette heure. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 donc, nous parlons de vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux et sur les internets. Nous en parlons avec Tania Louis, Marion Sabourdi et Laurent Chicoineau. Évidemment, il est difficile d'évoquer cette question sans parler du contexte dans lequel nous l'évoquons, à savoir celui de la crise sanitaire et sociale que nous traversons. Et je voudrais parler un peu avec vous, Tania, pour commencer, de votre expérience personnelle, puisque donc vous avez depuis quelques années cette chaîne YouTube Biologie Tout Compris, au titre de laquelle donc vous êtes intervenu un certain nombre de fois à ce micro, et les choses ont pris un autre tour au début de la crise, notamment au printemps, et d'ailleurs, on va arrêter de parler de nous tout le temps, mais un peu parce que finalement vous deviez venir à ce micro et que vous n'avez pas pu venir à cause de la grève. Effectivement, ça date de janvier. Oui, je devais intervenir. En fait, moi je suis virologue de formation, pour replacer un peu le contexte. Donc depuis tout début janvier, je m'intéresse à ce nouveau virus qui est apparu, mais vraiment d'un point de vue extérieur de chercheuse en virologie fondamentale, qui se demande ce qu'est ce nouveau virus et ce qu'il peut apporter d'intéressant, ce qu'il y a à découvrir le concernant. Et je devais intervenir dans la méthode scientifique pour parler de ça vers le 20 janvier, quelque chose comme ça. Et il y a eu des grèves, donc ça a l'air d'être il y a un siècle, hein, déjà, toutes ces histoires de grèves. Mais... deux siècles même, si vous voulez mon avis. Ouais. Et du coup, moi, j'avais fait des recherches à titre personnel et pour préparer l'émission, et je me suis dit, c'est quand même dommage d'avoir accumulé ces connaissances-là sur ce virus qui apparaît et de ne pas les diffuser. Donc, j'ai proposé à mes abonnés de répondre à leurs questions. Et je me suis retrouvée à faire une vidéo de type FAQ, comme on dit, foire aux questions, pour répondre aux interrogations du public sur le coronavirus, qui est sorti vers le 25 janvier, j'ai plus la date exacte, mais donc à un moment où il y avait assez peu de contenu francophone fouillé sur le sujet, et qui a fait beaucoup plus de vues que ce que j'avais anticipé. C'est-à-dire que sur ma chaîne, mes vidéos, elles font quelques milliers de vues, normalement 10 000 tout au plus. Et celle-là a été partagée par Dr Nozman, qui est un vidéaste qui a une communauté très très impressionnante. Mmh. Je pense que c'est le vidéaste vulgarisateur francophone qui a la plus grosse communauté. Il me semble aussi, oui. Et donc, ma vidéo a dépassé les 150 000 vues, très très vite. Ce qui a forcément changé beaucoup de choses. Alors, ça n'a pas changé quoi que ce soit dans la façon dont je travaillais en termes de préparation du contenu, parce que je pars du principe que même si j'ai 20 abonnés à une époque, peut-être que 10 ans plus tard, j'en aurai 1000 fois plus qui verront les vidéos, et donc c'est important d'être rigoureux tout le temps. Par contre, ça a changé beaucoup de choses par rapport au temps passé à répondre aux questions. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, parce que jusqu'à cette période-là, je recevais un nombre de questions qui était raisonnable, et on est très très vite passé dans quelque chose qui est devenu assez chronophage et très très vite ingérable, parce qu'en fait, quand on vous pose une question sur un sujet aussi nouveau que ce virus qui venait d'apparaître, ben, parfois, pour une réponse de tweet, il y a 4 heures de bibliographie. Mmh. Et c'est un problème que vous connaissez bien, je pense. Un peu. Mais oui, non, bien sûr, mais évidemment, et puis voilà, mais je pense que là aussi, et puis on pourra d'ailleurs l'évoquer, il y a aussi une différence d'adresse entre les vulgarisatrices et les vulgarisateurs sur les réseaux sociaux et les médias dits traditionnels. On reçoit un certain nombre de questions par Twitter ou par mail, mais je pense que vous avez, du coup, du fait de la forme et de l'individualisation de la forme de communication et de vulgarisation, quelque chose, ou en tout cas une image plus accessible directement, ou plus interpellable que nous ne pouvons l'avoir à travers le micro. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Tania, mais... Oui, clairement, moi, ça a été mon ressenti. Hein. C'est-à-dire que il y a deux choses. Il y a le fait que peut-être, comme on est des individus et pas des structures, le rapport avec nos communautés n'est pas le même, et les gens se permettent plus de nous poser des questions. Et il y a aussi notre propre rapport aux réseaux sociaux, qui est que, pour moi, Twitter, qui est mon outil d'utilisation principal, c'est un réseau social que j'utilise pour travailler, qui est vraiment quelque chose sur lequel je m'efforce de créer une communauté et de répondre aux gens. Et là, en fait, j'ai atteint un stade où le nombre de questions n'était plus gérable, même en ayant envie de répondre aux gens, ce qui n'est pas forcément le cas des community managers, des comptes officiels d'émissions ou de médias, qu'ils soient scientifiques ou non. Et c'est ça qui m'a, entre autres, poussé à créer le collectif Kesa Covid, que j'ai lancé pendant le confinement, pour passer d'une approche individuelle à une approche collective qui, non seulement... permettait de produire un bien meilleur travail, hein, parce que moi je suis virologue, les questions portaient sur de la virologie au début, et très très vite elles ont été beaucoup plus larges que ça. Mmh. L'épidémiologie, c'est un domaine qui n'a rien à voir, par exemple, et je ne parle même pas de médecine. J'ai une approche, mais ce n'est pas ma spécialité. Bien sûr, c'est une confusion qu'il y a dans l'esprit du public en règle générale, et y compris dans l'esprit de certains journalistes d'information en général qui imaginent que virologie, infectiologie, épidémiologie ou médecine générale, ça relève de la même spécialité. Peut-être un mot, Laurent Chicoineau, là-dessus, on entend comment... certaines ou certains vidéastes, j'ai utilisé vidéaste parce que ça me permet d'avoir un mot qui est un peu neutre en termes de genre, ça c'est plus large. Et puis j'aime pas beaucoup le terme influenceur ou influenceuse sur lequel on pourra revenir d'ailleurs. Mais Laurent Chicoineau, le rôle ou l'évolution des institutions scientifiques dont on sait que leur lien justement bien avec les communautés de fans ou de followers sur les réseaux sociaux est parfois un peu plus compliqué, difficile à trouver, que il a pas forcément été simple d'emboîter le pas justement de cette nouvelle génération de vidéastes qui s'est lancée et qui a fait pour une grande partie d'entre eux quand même plutôt du bon boulot. Ouais, bah complètement. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique pour une institution, que ce soit une institution de culture scientifique ou une université ou un organisme de recherche, c'est de gérer sa communication dite justement institutionnelle et donc de ne pas être sur une personnalisation à outrance, de pas se faire représenter à part par justement son président, son directeur ou sa directrice, enfin, donc la personne qui représente institutionnellement l'institution. Et du coup, le fait de donner la parole ou de jeunes scientifiques ou amateurs de science prennent la parole à travers les réseaux sociaux pour parler de la science sans parler au nom d'une institution, mais en leur nom et au nom de la recherche, d'une certaine manière, ça a été quand même assez perturbant et assez troublant pour les institutions. Et du coup, il a fallu quand même un certain temps pour s'amadouer, se comprendre, discuter les uns avec les autres. Alors j'en parle au passé parce que je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une deuxième phase de cette explosion des youtubeurs scientifiques ou des vidéastes scientifiques sur les réseaux sociaux et que la plupart des institutions scientifiques, que ce soit, le CNRS par exemple, hein, qui travaille déjà maintenant depuis plusieurs mois avec des youtubeuses scientifiques sur des émissions que le CNRS produit, ou bien la Cité des Sciences, ou bien nous à Toulouse au Quai des Savoirs ou d'autres centres de culture scientifique. Y compris les médias généralistes. Hein, enfin, je sais que Léo Grasset par exemple a signé des documentaires avec Arte. Enfin, d'un seul coup, pour les plus talentueux et talentueux d'entre eux, à mon sens, en général, il y a effectivement eu une sorte de débordement du strict cadre numérique pour d'un seul coup habiter tous les endroits de vulgarisation et de médiation. Oui, mais la logique, en fait, c'est une logique d'auteur quelque part. En fait, quelque part, l'institution, elle se transforme en producteur. Alors Arte, enfin les chaînes de télé ou les grands médias, c'est normal, ils ont cette habitude-là. Mais on a beaucoup de discussions dans le monde de la culture scientifique, des institutions, des associations de culture scientifique. Et en fait, les réflexions, elles portent justement sur ce statut finalement qu'on a vis-à-vis de ces youtubeurs qui sont des auteurs. Et nous, on est là, enfin ça, c'est mon point de vue, pour les accompagner, pour les aider, pour les produire, les coproduire, et pour faire en sorte que ils puissent poursuivre leur activité et continuer à développer leur contenu. Marion Sabourdi, peut-être un mot là-dessus sur le fait qu'on se rend compte que ce qui a certainement très bien fonctionné et ce que personne n'avait vraiment vu venir, c'est l'extrême personnalisation. C'est-à-dire de se dire que ces vidéastes-là ont réussi à un moment donné à incarner un propos de vulgarisation scientifique, à renouer de l'intérêt dans une société et via des réseaux qui sont en général effectivement très individualisants ou très narcissisants ou en tout cas qui nécessite une incarnation forte et puissante, ce que personne n'avait vraiment tout à fait anticipé du côté des institutions ou même des médias traditionnels. Oui, totalement. On les a vus arriver plus ou moins vers 2012 par là. Je parle en tout cas des vidéastes. Maintenant, il y a même des TikTokers autour des sciences. En tout cas, la place de l'image, la vidéo qui est arrivée, qui a explosé un peu tout depuis cette année-là. Et le fait que ça donne un visage, une sensation de proximité avec ces youtubeurs. Il y a aussi peut-être les codes de la pop culture qui sont pas mal repris. L'humour, les effets visuels, les références, tout un univers qui est créé entre les vidéos sur YouTube et par ailleurs leurs autres comptes. Je pense justement, on parlait de Léo Grasset, d'Orty Biology, qui a un petit peu finalement les mêmes codes. C'est presque une personne transmédia qui s'exprime sur Instagram, sur Twitter, qui fait du relais de ses vidéos, qui répond éventuellement aux questions qu'on peut se poser. Donc il y a vraiment un engagement total de ces personnes. Ils sont passionnés, ils ont souvent commencé seuls pour parler à leurs amis. C'est souvent ce qu'ils nous racontent, c'est pour expliquer des notions de science à leurs amis, et puis finalement ils en viennent maintenant à l'expliquer à des millions de personnes. Dr Nozman, j'ai regardé, c'est plus de 3 700 000 abonnés, c'est vraiment une communauté assez considérable. Laurent Chicoineau, sur cette forme aujourd'hui qui est devenue un peu la forme classique ou habituelle, c'est-à-dire face caméra, effectivement remplie de clins d'œil relativement générationnels, c'est-à-dire avec des mèmes. Il faut expliquer un peu ces formes-là. On va vous mettre quelques extraits. On va vous mettre une sorte de des petits extraits de ces différents comptes, que ce soit ceux de Tania, c'est déjà fait, mais Léo Grasset, Sébastien Carassou, Florence Porcel, etc., etc. On peut mettre. Bref, on va vous en mettre un certain nombre pour que vous puissiez visualiser exactement ce que c'est que cette forme. Est-ce que c'est cette forme qui en a fait le succès? Est-ce que c'est le fait que cette forme soit une nouvelle forme d'adresse directe, non seulement, mais en plus avec une véritable forme de pop science qui n'existait a priori plus nulle part, dans aucun des médias traditionnels, pas dans les magazines de vulgarisation? C'est-à-dire, on a le sentiment qu'il y a une nouvelle forme qui a été créée. Comment vous expliquez le succès et finalement cette formalisation qui est celle aujourd'hui que l'on connaît de ces vidéos de vulgarisation? Bah, oui, vous l'avez dit, effectivement, dans la forme, je pense qu'il y a un élément aussi pour compléter ce que disait Marion, c'est la question de l'âge aussi. Alors c'est tout bêtement quelque part générationnel aussi, c'est-à-dire que le fait de, et ça on le voyait, on le sait dans les associations d'EducPop et les centres de culture scientifique, on sait que quand on met un médiateur qui est jeune face à un public jeune, ça marche mieux que quand on met un médiateur qui est un peu plus âgé, c'est-à-dire qu'il y a une proximité d'âge qui favorise l'identification, qui favorise la complicité, le même vocabulaire, la culture commune, justement la pop culture, et le fait que ces youtubeurs soient tous relativement jeunes, donc certains très jeunes, d'autres relativement jeunes, et c'est très bien que tout le monde s'y mette, fait aussi que ça crée une adhésion qui est extrêmement forte à travers tous ces clichés. C'est extrêmement quand même référentiel, les vidéos scientifiques sur YouTube. On a aussi beaucoup de complicité et d'humour. Il y a du second degré qui est aussi au cœur du dispositif, alors que ça, on va le trouver beaucoup moins. Alors évidemment, dans les expos de culture scientifique, on a très peu d'humour, c'est un constat qu'on se faisait par ailleurs avec d'autres collègues. C'est très rare les expositions qui utilisent le thème de l'humour pour vulgariser les sciences. On le retrouve un peu plus dans l'édition papier, dans les médias ou dans les documentaires, mais c'est pas si courant que ça. Alors que les vidéastes scientifiques, ils vont beaucoup recourir à l'humour, ils vont recourir à une forme de complicité avec le spectateur. Ils vont évidemment avoir ce regard cam qui fait que ça change tout. Hein. C'est-à-dire qu'à regard caméra, oui. On fait des études, des études audiovisuelles, on vous dit surtout, il ne faut pas que l'interviewé ou le journaliste regarde la caméra. Bon, là, c'est le contre-pied total, c'est exactement ce qu'ils font. Et du coup, ça, ce mode de communication qui est tout à fait direct, tout à fait simple, alors qui paraît simple, d'ailleurs, parce que quand on discute avec Léo Grasset ou avec d'autres, on se rend bien compte que ce sont des vrais prods audiovisuels, ils développent toute une stratégie de mise en scène, etc. Tout ça, c'est très contrôlé, en fait. Ça a l'air spontané, mais c'est toujours très dur de faire spontané. On va aller voir, on va aller dans les coulisses, justement, des vidéos de Léo dans un instant, et vous allez voir que tout ce qui a l'air effectivement très spontané et comme ça, filmé sur le tas, et puis Tania pourra nous le dire, c'est énormément de travail derrière et un vrai travail de mise en scène, de réalisation, de montage qui est assez impressionnant. Vous allez l'entendre dans quelques instants. Je vous laisse continuer, Laurent Chicoineau. Oui, voilà, donc c'est le travail et la question de l'humour, et ça c'est extrêmement important parce que il y a plein d'enseignants en sciences au collège, au lycée, qui vont recourir à l'humour comme dans les autres disciplines, mais c'est pas quelque chose qui se fait de manière très j'allais dire officielle, c'est-à-dire que la manière dont on parle de la science de manière générale, enfin dont on parlait, pardon, en passé, j'espère, de manière générale dans les médias et aussi dans les institutions, c'est quand même avec un certain sérieux, parce que la science c'est sérieux, parce qu'il faut comprendre, il faut écouter, il faut être attentif, etc. Et en fait, ce que viennent nous dire les vidéastes scientifiques depuis plusieurs années, c'est non, c'est pas forcément sérieux, c'est pas forcément, ça peut se dire en 2 minutes, on peut raconter une histoire basée sur des faits, une histoire réelle scientifique, en 2 minutes, en 2 minutes 30, on n'est pas obligé d'y passer un cours sur une année. Alors évidemment, on va pas apprendre la même chose, évidemment, on va pas avoir les mêmes compétences, les mêmes connaissances derrière, mais c'est quand même une manière de montrer la science, de partager la science, et moi c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est quand même une forme de générosité, de partager la passion de ces jeunes youtubeurs qui ont découvert la science et qui ont envie d'en parler, ils arrivent vraiment à transmettre cette passion, et ça c'est quelque chose dont on n'a pas, on n'avait pas tant l'habitude que ça finalement. Tania Louis, vous vouliez réagir? Oui, alors en fait, là on parle beaucoup des vidéastes parce que effectivement ils attirent un certain public en termes de quantité. Juste pour replacer un peu dans le contexte, les vidéastes globalement ce sont des jeunes adultes, on va dire 20-35 ans, qui pour plus de la moitié, voire les deux tiers d'entre eux, ont au moins un bac plus 5. Donc même sur le plan scientifique, on est très très loin de l'amateurisme en fait. Mais les vidéastes sont loin d'être les seuls producteurs de contenu de vulgarisation scientifique en ligne. Tout ça a commencé en France avec les blogs, là plutôt dans les années 90. Mais aujourd'hui, on a aussi des podcasts. Et au-delà de ces formats très travaillés, On a bien vu pendant la crise sanitaire que certains posts sur Twitter ou sur Facebook pouvaient prendre une ampleur incroyable. Donc il y a des contenus qui sont plus rapides à produire que des vidéos, qui demandent moins de compétences techniques, mais qui diffusent aussi très bien sur d'autres types de réseaux sociaux. Tania, à ce propos, est-ce que vous avez le sentiment que ce succès, alors là effectivement au sens plus large du terme, mais principalement des vidéastes sur YouTube, c'est aussi le succès de l'occupation d'un espace qui a été en fait laissé vacant par les médias? Clairement, j'aurais jamais de preuve de ça, hein, mais j'ai quand même l'impression que les vidéastes ont commencé à décoller quand on n'a plus eu ou quasiment plus d'émissions de science à la télé. C'est pas sorcier a disparu, on n'est pas que des cobayes a disparu, et du coup il restait que des formats très cadrés de type reportage, et les vidéastes sont arrivés en proposant un format complètement décalé, avec quelque chose de très court, très dynamique, et le public qui cherchait ça ne pouvait le trouver nulle part ailleurs à ce moment-là. Donc ça explique sans doute pourquoi ça a si bien pris. Qu'est-ce qui fait, selon vous, Tania, le succès? Alors, est-ce que c'est justement une configuration particulière comme celle que vous avez pu connaître à un moment donné qui fait que d'un seul coup, il y a un poste qui s'enflamme et qui est extrêmement partagé, qui attire beaucoup d'attention sur vous? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le public de ces vidéastes est un public qui est attentif à une certaine forme d'éthique de la vulgarisation? Est-ce que c'est le ton? Est-ce que c'est le côté copinage? Comment est-ce que vous analyseriez-vous? Je sais que vous avez fait une petite enquête sur la situation des vidéastes sur un panel d'environ 600 chaînes. Quels sont selon vous les ingrédients du succès? C'est une grande question sur laquelle pas mal de gens ont travaillé en essayant de recouper des statistiques pour voir quelles sont les formules qui marchent. Et ce qui a l'air de ressortir donc, d'un travail d'analyse qu'avait fait David Louapre il y a déjà un certain temps, c'était que la régularité des vidéos était un paramètre important. Mais en fait, concrètement, c'est extrêmement aléatoire. Il y a des gens qui font un travail de très très bonne qualité et qui ont un nombre d'abonnés minuscule, et des gens qui font un travail même très mauvais sur le plan scientifique, et pas forcément merveilleux sur le plan technique non plus, mais qui ont quand même une grosse communauté. Les partages jouent beaucoup. Clairement, avoir un contenu qui est relayé par une personne qui a déjà une grosse communauté, mais moi j'ai pu le constater avec le partage de Dr Nozman, ça a un impact très fort. Après, ça peut avoir un impact ponctuel. Moi, en l'occurrence, la communauté de Dr Nozman cherche un contenu qui est très différent du mien, on n'a pas du tout la même approche. Et ses abonnés ne sont pas restés. Ils sont venus voir cette vidéo parce qu'elle les intéressait à ce moment-là, mais le reste de mon contenu ne correspond pas à ce qu'ils cherchent. Mmh. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres qui jouent. Après, ce qu'on constate quand même, si on sort de la catégorie des vidéastes que je considère comme rigoureux scientifiquement, il y a des formules accrocheuses et des raccourcis simplistes qui sont hyper efficaces pour capter du public et garder une audience. Mmh. Et on va revenir hein, sur les limites de ce système, ou en tout cas les dérives que l'on a pu constater. On reparlera certainement de l'étude que j'évoquais dans l'introduction, à savoir l'étude du British Medical Journal qui note que une vidéo sur quatre sur YouTube au moment de la crise sanitaire est une vidéo non factuelle qui diffuse des fausses informations. On va poser évidemment la question de la surindividualisation, peut-être celle également du modèle économique ou du lien avec les institutions dans quelques instants. The hand that feeds me so much information. Mais oui, quand on parle des réseaux sociaux, sur France Culture, on n'a pas peur de mettre de la musique de jeunes. Duran Duran, Too Much Information à 16h35 dans la méthode scientifique. Puisque nous parlons de vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux en compagnie de Tania Louis, autrice de la chaîne Biologie Tout Compris, également coordinatrice du projet Kesa Covid 2019, allez, on va y arriver, qui a coordonné, vous allez nous en reparler d'ailleurs, Tania Louis, un certain nombre de ressources et de personnes autour de l'information sur l'épidémie. Marion Sabourdi, qui est chargée de nouveaux médias à la Casemate à Grenoble, et Laurent Chicoano, qui est directeur de Quai des Savoirs à Toulouse. Alors, comment ça marche une vidéo YouTube de vulgarisation scientifique? Ça a l'air extrêmement simple, vu comme ça, extrêmement spontané. On a l'impression que c'est une seule prise, allez, avec quelques petits inserts. Pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça, comme on le disait tout à l'heure. C'est énormément de travail. Nous sommes allés dans les coulisses d'une autre voix familière de la méthode scientifique, celle de la chaîne Dirty Biology du camarade Léo Grasset. Et c'est votre reportage, c'est une Lezen. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, j'ai retrouvé Vincent Rey autour de sa station de montage. Il était en train de travailler sur le prochain épisode qui va normalement sortir très bientôt. Pour m'expliquer sa démarche, on est parti de l'épisode 70 qui s'appelle « Le rose n'existe pas », qui aborde les notions de couleurs avec la question de savoir si elles sont des réalités physiques ou bien des perceptions des produits de notre cerveau. C'est un épisode au croisement de l'optique, de la physiologie et des neurosciences et qui donc mêle des concepts scientifiques parfois compliqués à expliquer et de fait à représenter graphiquement. C'est tout l'enjeu du travail de Vincent Rey. En binôme avec Léo Grasset, il doit trouver le bon équilibre entre rigueur scientifique et esthétique, le tout avec les codes narratifs propres à Internet pour toucher le plus grand public possible. Dans un premier temps, Léo fait un reportage de son côté, il essaie de se documenter au maximum. Ensuite, moi je reçois un script brut de ce qu'il a écrit, de ce qu'il va dire devant la caméra. Et à partir de ça, j'ai quelques ressources précises, scientifiques qui me donnent à côté. Mais on va dire que tout l'habillage qui se fait à côté, je dois le faire de mon point de vue à moi, de ma construction, de ma façon de voir le montage, comment j'aimerais moi le percevoir en tant que spectateur. J'essaye de reproduire au maximum ce ressenti-là pour essayer de parler au plus de gens possible qui n'ont peut-être pas toutes les connaissances techniques et scientifiques du sujet abordé. Ok, donc là par exemple, vous avez un script que vous venez de recevoir de Léo, c'est son prochain épisode. Tout à fait. Alors par quoi vous commencez, vous lisez, et ensuite? Oui, totalement. Alors moi ce que je fais en général, c'est que je reçois donc le script et les rushs à côté en même temps. Comme ça je vois tout de suite visuellement qu'est-ce qui peut être intéressant de combler à ce moment-là, d'appuyer son propos. Et les preuves scientifiques à côté, que Léo source beaucoup ses scripts pour moi et pour lui, où il a pioché telle information pour que tout soit sourcé et après soit disponible aussi après la vidéo. Comme par exemple, là, j'ai chercheur du comportement animal et il me dit à côté la source où je dois aller me référer sur Internet pour avoir des éléments, en tout cas visuels, pour illustrer ce qu'il vient de dire. Mais là, par exemple, je suis dans ma timeline. Voilà, je vais aller à l'endroit. Si vous regardez le résultat d'une diffraction d'un rayon de la lune. Alors là, on est sur l'épisode consacré à la couleur rose. Tout à fait. Et le fait qu'elle n'existe pas, que c'est un peu une construction mentale, finalement. C'est ça. C'est la phrase d'accroche de l'épisode qui est très brute et qui a permis de faire pas mal de vues sur YouTube, parce qu'on dit « le rose n'existe pas », donc tout de suite, les gens se disent « c'est pas possible, je vois le rose, je veux le voir ». Et donc, on va dire que c'était vraiment l'élément déclencheur de cet épisode, mais qui nous amène, pendant plus de 30 minutes, à parler des couleurs en général, de notre perception, à quel point notre cerveau peut nous mentir sur ce qu'on voit. Et donc, par exemple, là, typiquement, brut dans le texte, à l'audio, ça donne ça. Si vous regardez le résultat d'une diffraction d'un rayon de la lumière blanche, comme dans l'arc-en-ciel, par exemple, il n'y a pas de rose. Donc là, par exemple, techniquement, j'aurais pu mettre le spectre de la lumière et dire « oui, il n'y a pas de rose dans le spectre ». Mais là, par exemple, dans mon côté, humoristique, essayer d'amener le plus de gens possible, j'essaye de rendre ça un peu plus ludique, sympathique, avec en même temps des codes un peu typé à Internet, comme la YouTube poop ou l'humour très absurde ou référencé avec des mèmes. Et j'essaie de le retranscrire un peu de retranscrire ces langages Internet dans cette vidéo Internet qui est sur Internet. Donc ça me paraît logique d'avoir ce langage-là pour la plateforme qu'est Internet. Bon, on voit bien, c'est pas uniquement pédagogique, mais cette dimension pop, elle vient aussi par des références cinématographiques, des séries, beaucoup d'animations aussi. Donc c'est plein de clins d'œil qui font qu'on rentre encore plus en immersion dans le discours qui lui est beaucoup plus technique. Exactement, et je pense que ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que ça permet, ces petites parenthèses de pop culture, permet des points d'accroche, même à ceux qui ne connaissent rien à la science, c'est toujours des petites bulles de sécurité, des petites bulles de réconfort pour appuyer un phénomène scientifique ou ce qui vient d'être dit. Et oui, pour moi, c'est assez intéressant là-dedans, c'est rendre le tout ludique, montrer que la science n'est pas que pénible à écouter, pénible à regarder. Non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, la science permet de débunker beaucoup de choses qui sont dites, surtout en ce moment à l'ère d'Internet, évidemment. Il y avait cette séquence où, à un moment, Léo évoque des points blancs qu'on voit quand on ferme les yeux et qui sont en fait l'image des globules blancs sur la rétine. Alors ça n'a pas dû être simple à représenter. Non, bah pareil, c'était l'idée de se représenter quelque chose qu'on percevait tous, mais sans y mettre des mots, sans y mettre une raison scientifique parce qu'on ne s'y penchait pas. Donc illustrer déjà quelque chose qu'on avait déjà du mal à se représenter soi-même, c'était pas évident. Et donc oui, on a essayé de rendre ça un petit peu possible. Et pareil, tout simplement, on avait mis un espèce de fond noir, parce que c'était globalement ce qu'on percevait, fond gris-noir. Et j'essayais, moi, de mettre des particules un petit peu dessus pour représenter à peu près ce que nous, on percevait. Après, c'est impossible de capturer ce que nous, on voit en temps réel. On peut que se l'imaginer, se le représenter. Pareil, c'était là une question de vulgarisation visuelle. Globalement, c'est à peu près ça, ce qui se passe comme effet pour que les gens se disent « Ah oui, d'accord, c'est exactement ce que je perçois, à peu près. » Et maintenant, on peut y mettre une raison scientifique derrière ce phénomène-là. Donc, là-dessus-là, je crois. Ça s'appelle le phénomène du champ bleu anthoptique. En vous concentrant un peu, vous devriez voir droit devant vous des petites taches lumineuses erratiques, des globules blancs qui naviguent dans vos capillaires au fond de la rétine. Les capillaires projettent une ombre sur les cônes en dessous, et cette ombre est, en temps normal, éditée par le cerveau. De toute façon, le montage vidéo, c'est un métier qui est à la fois très technique dans, on va dire, le côté matériel des choses, mais en même temps très créatif de l'autre, où on essaie de communiquer visuellement des propos qui peuvent être dits, et aussi également au son. Mais quand je monte les épisodes, je ne pose pas directement ce qui me vient en tête. J'ai également, moi aussi, ma part de recherche à côté à faire, à comprendre le phénomène qui est expliqué un petit peu plus en détail pour justement le ramener de manière visuelle un peu plus vulgarisée. J'ai la part de responsabilité aussi visuellement à ne pas dire de bêtises et à ne pas justement erroner ce que Léo peut dire dans l'épisode. On va dire que j'absorbe plein de sciences d'un côté et en même temps avec tout mon bagage que je peux avoir audiovisuel à côté, que ce soit cinématographique, internet, télévisuel, j'essaye de faire une symbiose de tout ça et de recracher quelque chose en osmose entre ces deux parties, quoi. Et voilà les coulisses, une partie des coulisses de la réalisation d'une vidéo YouTube de vulgarisation du camarade Léo Grasset, en l'occurrence, que nous saluons bien bas. Tania, peut-être une réaction, vous qui avez l'habitude de ces procédés, de ces processus de fabrication. Oui, c'est intéressant parce que justement, moi, je ne travaille pas du tout de cette façon-là. Ah, racontez-nous alors. Pour plusieurs raisons. La première, c'est simplement que je travaille toute seule et qu'avant de créer ma chaîne YouTube, je n'avais jamais ouvert un logiciel de montage ou allumé une caméra. Donc moi, je suis un peu un imposteur dans tout ça. Mon vrai métier, c'est la médiation scientifique. Et de temps en temps, je fais des vidéos sur Internet. Arrêtez avec l'imposture, Tania, ça suffit. Vous êtes tout à fait compétente et vous réussissez très bien ce que vous faites. Alors continuez, s'il vous plaît, au lieu de dire des bêtises. Ouais, disons que pour moi, les vidéos, c'est un projet que je fais de temps en temps sur mon temps libre quand j'ai envie, alors que pour des personnes comme Léo, c'est vraiment son métier. Donc moi, j'ai eu une approche qui est beaucoup plus simple, déjà parce que je travaille seule, forcément, je ne peux pas me permettre d'y passer le même temps, j'ai pas les mêmes compétences, j'ai pas les mêmes ressources. Donc pour moi, le plus important, mais ça c'est une chose qui a été évoquée déjà dans le reportage et qui est fondamentale quand on vulgarise sur Internet, c'est l'accroche. Parce que c'est la principale différence avec le contenu en ligne et le contenu physique. Une personne qui est sur Internet, qui regarde quelque chose et qui en a marre, elle s'en va. Alors qu'une personne qui a fait l'effort de se déplacer pour aller à une conférence ou un atelier, même s'il y a des moments de moins bien, elle va rester. Et ça, je pense que ça change beaucoup de choses. Mmh. Je sais que moi, j'ai traité en vidéo des sujets que j'avais enseignés à la fac avant, et vraiment, je ne les amenais pas du tout de la même façon. Donc là-dessus, je pense qu'on a tous des choses à piocher sur Internet et à regarder pour s'inspirer quand on fait de la médiation face public, parce qu'en fait, cet effort d'intéresser encore plus le public et de rendre le sujet captivant, on devrait le faire systématiquement. Sur Internet, on le fait parce qu'on est obligé, mais on devrait le faire vraiment tout le temps. C'est intéressant d'ailleurs, parce que ça pose aussi peut-être parfois les limites de l'accroche ou les limites de la surindividualisation de l'information. Qu'est-ce que vous en pensez, Marion Sabourdi ? Parce que parfois, est-ce qu'on n'a pas assisté à quelques débordements de vidéastes qui veulent aller trop loin dans le gag, dans le clin d'œil, ou qui commencent à aller un peu trop loin dans le petit bout de la lorgnette et qui finissent par raconter n'importe quoi ? J'ai un exemple en tête autour, par exemple, du gène de l'homosexualité. Oui, alors c'est vrai que peut-être que je suis un peu différente de certaines personnes qui regardent énormément de vidéos. Moi, j'ai souvent mes quelques vidéastes préférés, favoris que je regarde. Donc, j'ai justement Léo en fait partie, Tania aussi. Je regarde aussi parfois, enfin plutôt très souvent, des vidéastes qui ont une approche moins produite finalement. Mm-hmm. Donc, à part Léo qui est une exception. Donc, je pense à Michael Launay, David Loipre, Viviane Lalande. Tania, bien sûr. Donc, tous ces gens qui sont déjà passés au micro de la méthode scientifique, décidément. On a les mêmes goûts, Marion. En tout cas, voilà, qui ont une approche finalement, enfin, qui sont parfois médiateurs aussi, comme Tania, comme Michael Launay, et une approche plutôt, voilà, intimiste, posée, du face cam, mais voilà, comme s'ils étaient dans notre salon. Après, pour le reste, effectivement, on a pu avoir des dérives, sans parler forcément de dérives importantes comme celles que vous citez, ou juste des inexactitudes ou des vidéastes qui, par exemple, abordaient beaucoup une thématique et qui se sont aventurés dans une autre par curiosité, hein, par envie, pas forcément de manière négative, mais qui voulaient pas spécialement avoir la même rigueur, quoi, qui étaient juste curieux de leur sujet, qui finalement ont dit quelques bêtises. Ce que je retiens avec Léo, par exemple, c'est que non seulement il a une approche très rigoureuse lui-même, mais il fait quasi systématiquement, je pense, relire ses scripts. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'occasion, par exemple, de relire un de ses scripts. Et j'étais pas la seule, on était plusieurs. Donc ça, je pense, c'est une gage de rigueur de la part du vidéaste et de qualité pour la fin. Bien sûr, parce qu'ensuite, tout journaliste scientifique, et nous y compris, hein, il nous arrive de dire des bêtises, de faire des erreurs, de se corriger, d'être repris. L'important, c'est de reconnaître qu'on a fait des erreurs. Peut-être un mot, Laurent Chicoineau, sur travers qui est celui qui, pour le coup, intrinsèque à cette forme de vulgarisation, celui de la surindividualisation et qui peut conduire justement, et bien du coup, à prendre un peu, disons des largesses avec le contenu, à finalement passer de basculer du côté du one man show plutôt que de la volonté de vulgariser. Est-ce que finalement, c'est pas si grave que ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense aussi à certains vidéastes dont je ne vais pas citer les noms, mais effectivement, il y a cette idée du one man show, c'est exactement ça, c'est-à-dire que en fait, finalement, la science, c'est une opportunité de faire son one man show et puis d'avoir une communauté, d'être connu, de se montrer, de voilà. Mais bon, à la limite, je dirais pourquoi pas. C'est-à-dire qu'après, il faut aussi raison garder, c'est-à-dire que ces vidéos scientifiques sur YouTube, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la diffusion de la science, de la culture scientifique et de l'appropriation des savoirs en France. Enfin, ça fait bien sûr, mais ça touche un public très large, qui est un public qui n'était pas forcément consommateur des médias traditionnels, donc c'est aussi une voie importante de diffusion de contenu scientifique qui était un peu en déshérence avant l'existence de ces personnes et de ces vulgarisatrices et vulgarisateurs-là. Ouais, alors ça c'est la question vraiment à 1000 francs, je dirais, c'est-à-dire que vraiment cet enjeu du public de ces vidéos, c'est Tania l'a dit, on en a déjà souvent parlé ensemble. C'est vrai que qui sont ces publics, c'est assez compliqué de travailler sur ces publics de la vidéo et de la vulgarisation scientifique en ligne. Il y a beaucoup de gens qui regardaient C'est pas sorcier à la télévision quand ils étaient très jeunes et qui retrouvent un air de familiarité avec des animateurs qui sont justement jeunes, qui manipulent aussi l'humour, qui sont assez accessibles, qui donnent l'impression d'être assez accessibles. Il y a toute cette réflexion sur qui sont les publics de ces vidéos. Je pense que c'est quand même quelque chose qui mériterait d'être approfondi, parce que en termes générationnels, par exemple, je ne sais pas si toutes les générations regardent ce type de vidéos. Il faut dire aussi que la science dans les médias, il y a quand même des médias qui parlent de science. Alors pas forcément pour les jeunes générations, et aussi quand on est jeune, on va encore à l'école. Et souvent, les jeunes qui regardent ces vidéos sont des jeunes quand même assez diplômés. Il y a quand même aussi la question des diplômes qui rentre en ligne de compte et qui fait que c'est des façon d'aborder la science, mais qu'on connaît déjà par ailleurs, ou pour laquelle on a déjà par ailleurs de l'information et des accès. Je veux pas dire ça pour minimiser les vidéastes scientifiques et ces vidéos qui jouent un rôle quand même tout à fait important, ça c'est très clair, mais c'est aussi pour quand même mettre en perspective par rapport à l'ensemble des sources d'informations qu'on peut avoir par rapport à la science. Et après, sur la personnalisation, la personnification, effectivement, ça peut être une problématique à partir du moment où on commence à prendre la grosse tête, on va dire, tout simplement, mais c'est aussi des gens qui ont bien compris le monde dans lequel on vit. Ce que vous avez dit, par exemple, le reportage là sur Léo, c'est vachement intéressant, parce qu'on voit bien que c'est des gens qui maîtrisent tout à fait ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris qu'il fallait maintenir cette attention en permanence pour pouvoir véhiculer des messages. Donc tant qu'on suscite l'attention pour véhiculer de l'information, véhiculer des messages pertinents, ça c'est intéressant. Après, le risque, c'est de rester juste à attirer l'attention, juste pour attirer l'attention. Et là, malheureusement, il y a certains vidéastes qui vont tomber dans ce travers-là et qui vont à surcroît d'explosion d'avion et de n'importe quoi vont rassembler énormément de vues, mais c'est pas le nombre de vues non plus qui va faire la qualité bien sûr scientifique qui est tenue ou de la vidéo. Mais on touche là peut-être effectivement à une autre problématique qui est celle de la fiabilité du contenu. Je sais qu'il y a eu une époque où il y a eu un débat qui s'est tenu au sein même entre ces différentes de vulgarisatrices et vulgarisateurs sur par exemple l'affichage ou non des sources. Je crois que ce débat-là a été tranché aujourd'hui. Tania, je me trompe ? Bon, ben, y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, hein, mais globalement, je pense que la majorité des vidéastes qui font de la vulgarisation considèrent qu'il est tout à fait normal, voire très important, d'afficher ces sources, à la fois pour que les gens puissent vérifier les informations et pour qu'ils puissent creuser le sujet s'ils en ont envie. Et puis ensuite, il y a évidemment la nature de l'information qui est délivrée derrière effectivement l'équilibre entre le one-man show d'un côté et l'information scientifique de l'autre. Et on peut rajouter dans cette équation qui peut parfois donner des solutions problématiques, celle de la rémunération et notamment celle des partenariats. Peut-être on peut dire un mot de cette économie aujourd'hui, Tania, comment est-ce qu'on survie et comment est-ce que ça se passe quand d'un seul coup on fait une vidéo qui est commandée par quelqu'un qui va rémunérer cette vidéo pour la distinguer des autres et pour d'un seul coup ne pas mélanger les genres entre de l'information qui est produite par vous-même et de l'information qui est commandée par un prestataire extérieur. Oui, mais alors je peux d'autant mieux en parler maintenant que ça m'est arrivé pour la première fois, donc je sais ce que c'est, ça y est. Concrètement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que avoir une chaîne YouTube, à la base, c'est pas du tout une activité rémunératrice. La majorité des vidéastes perdent de l'argent avec leur chaîne parce que ça implique des achats matériels, donc même sans compter le temps de travail avant d'être bénéficiaire, c'est pas évident. Et même les vidéastes qui gagnent leur vie grâce à ça n'ont pas des salaires de footballeurs, quoi. Voilà, que ce soit très clair. Sans parler de salaire de footballeurs, on peut néanmoins se dire est-ce qu'il y a un niveau de fréquentation ou un nombre de vues qui permet de générer un salaire mensuel décent ou est-ce que même ça, c'est compliqué ? C'est pas évident. Il y a à peu près 5% des vidéastes vulgarisateurs qui gagnent leur vie grâce à leur chaîne. D'accord. Voilà, ça donne un ordre de grandeur. Tout à fait. Et dans les sources de revenus, alors évidemment, il y a les publicités automatiques sur YouTube. Les dons du public sont extrêmement importants. Et il y a tout ce qui est placement de produits ou sponsoring. Et là, en fait, il y a énormément de situations différentes. Il y a des structures qui proposent des partenariats sur la formule « Vous passez 20 secondes à parler de mon produit en fin de vidéo et je vous donne telle somme d'argent ». Ça, en général, c'est très transparent. Le contenu de la vidéo n'a pas du tout été influencé, juste il y a une page publicité incluse à l'intérieur. Mais qui est prise en charge par la personne qui a fait la vidéo. Prise en charge par la personne qui fait la vidéo. Il y a eu des cas très très drôles sur la chaîne de Linguisticae où il a fait... Je ne citerai pas la structure pour laquelle il faisait de la publicité, mais il faisait de la publicité en parlant dans des langues étrangères que personne ne comprenait, etc. Donc voilà, il y a une certaine liberté là-dessus. Ce qui est plus délicat, c'est si la personne qui finance la vidéo a envie d'influencer son contenu. Alors, moi, personnellement, j'ai déjà refusé ce genre de choses. Et ma politique, c'est d'accepter un financement que si ça n'influence pas le contenu de la vidéo. Mais encore une fois, mon but n'est pas d'en vivre. Donc je n'ai forcément pas les mêmes contraintes. Après, j'ai tendance à penser qu'on est quand même, en tout cas pour les vidéastes qui font de la vulgarisation scientifique, dans une communauté qui a un niveau d'éthique assez élevé et qui va globalement être vigilante et très transparente sur ce genre de choses. Mmh. Laurent Chicolo, votre point de vue là-dessus, d'autant que là, on se rend compte que si on veut encore complexifier l'information, ou en tout cas l'équation plutôt, il y a effectivement parfois ces liens avec ces vidéos qui sont donc des vidéos de commande, des vidéos de partenariat. Et puis ensuite, quand les institutions, à leur tour, récupèrent certaines youtubeuses ou certains youtubeurs pour développer leur propre contenu scientifique en ligne, ils emmènent avec eux une partie de ce partenariat. Donc il y a là aussi peut-être un jeu de financement un peu trouble, dirons-nous, ou est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui peut se réguler, comme le dit Tania, grâce à l'éthique individuelle des personnes qui sont sollicitées. Je pense que c'est pas parce qu'il y a de l'argent en jeu que c'est trouble. C'est-à-dire que il y a d'une part ce qu'a dit Tania aussi, c'est-à-dire que les vidéastes ils doivent bien aussi vivre avec ce qu'ils produisent. Donc si c'est leur projet professionnel de vivre avec ces vidéos, il y a déjà des métiers qui existent comme ça. Enfin encore une fois, je renvoie à l'idée d'auteur et à l'idée de créateur. Et ces gens, c'est normal qu'ils aillent se faire alors soit sponsoriser, soit financer, soit trouver des partenariats pour lever des fonds. Après, je pense que ce qui est important, c'est effectivement les politique individuelle pour dire les levées de fonds. Je pense au site web The Conversation, par exemple, où les auteurs disent à chaque fois, s'ils déclarent des conflits d'intérêts potentiels sur les articles qu'ils publient, les scientifiques sur les articles qu'ils publient. Bon, encore faut-il réussir à être complètement transparent pour le faire. Moi, ça me choque pas que certains vidéastes annoncent, enfin, fassent de la promotion ou des marques à partir du moment où c'est bien séparé. Bien sûr, le risque, c'est d'avoir une influence de la marque ou du financeur de l'institution sur le contenu de la vidéo. Donc ça, c'est effectivement une problématique. Cette influence sur le contenu de la vidéo, elle est pas d'ailleurs forcément explicite, hein, par rapport à la marque. C'est-à-dire que ça peut renvoyer aussi à des façons de faire, à des façons de penser ou à des manières de séparer les sciences, par exemple, de séparer la recherche fondamentale de la recherche appliquée, de dire que les technologies, c'est ce qu'on en fait qui va les rendre mauvaises ou bonnes, et que en soi, la recherche sur la technologie, par exemple, elle est très bonne. Enfin, elle ne risque rien. Enfin, ce type de discours qui vont en fait influencer, et ça on le sait bien dans la vulgarisation et dans l'information scientifique, on sait très bien qu'il y a des manières de voir la science, de penser la science. La science, c'est aussi une activité sociale et politique, et c'est sûr que la manière dont on va, enfin la source des financements et la manière dont on va collaborer en tant que vidéaste avec une institution ou avec des marques ou des grands laboratoires, bah évidemment ça va avoir ça qui va être au cœur de la discussion. Je pense qu'il faut en être conscient, et le mieux c'est de quand même de réussir à une certaine forme de transparence et de l'annoncer, comme le font d'ailleurs un certain nombre de vidéastes. Bien sûr. Un dernier mot pour conclure et sous forme d'épreuve, puisqu'il nous reste 1 minute 40. Que faire et quelle est la responsabilité des éditeurs sur le contenu? Puisque là, c'est vrai que depuis le début de l'heure, on parle essentiellement de vidéastes vertueuses et vertueux, c'est-à-dire qui affrichent leurs sources, qui font un travail sérieux et un travail de vulgarisation tout à fait admirable et reconnaissable. Comme je le disais tout à l'heure, British Medical Journal, une vidéo sur 4 sur le Covid qui relaie des informations non factuelles. Comment faire pour trier le bon grain de livret quand on est spectateur de ces vidéos sur son ordinateur et qu'on n'a pas forcément les clés pour trouver, pour voir la différence? Marion Sabourdi, pour commencer. Oh, alors, question... Vous avez 20 secondes. clairement, peut-être que je renvoie la balle, mais la formation de l'esprit critique, enfin, ça va au-delà de juste les vidéos en ligne, hein, mais pour pouvoir un peu décortiquer ce qu'on voit, je pense que l'école, les centres de sciences comme chez nous, on a aussi notre rôle à jouer, travailler en vraiment de concert avec ces vidéastes et nos publics pour pouvoir leur faire un petit peu d'éducation aux médias, d'esprit critique, comprendre aussi les biais cognitifs qui nous font aller plus vers un contenu que vers un autre. Donc je pense que à la fois les vidéastes d'une part et les acteurs plus traditionnels, on va dire, de la culture scientifique, hein, dont je fais partie, ont beaucoup finalement à travailler main dans la main pour ça, pour la formation du public, mais aussi peut-être des enseignants, peut-être de nos collègues médiateurs. Laurent Chicoineau, en 20 secondes. Oui, alors c'est dommage parce que c'est un super sujet, mais moi je voudrais juste dire, comparer Wikipédia par exemple avec ce qui se passe sur YouTube, YouTube scientifique, c'est-à-dire que en clair, moi ce que je pense, c'est qu'il faut une régulation des réseaux sociaux, et ça dépasse les questions de la science. On voit bien aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans notre société à tous les niveaux, y compris et notamment politique, je pense que c'est extrêmement important que les éditeurs reconnaissent leurs responsabilités, qu'on arrive à faire reconnaître leurs responsabilités. La difficulté, c'est que c'est des boîtes privées américaines. Je parle de Wikipédia parce que la gouvernance est totalement différente et la responsabilité des contenus sur Wikipédia, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais elle est gérée totalement différemment. Et je pense que ça, c'est un point qui est vraiment important, sans quoi les réseaux sociaux, il va falloir un jour soit les fermer, soit ne plus y aller du tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à être dans cette logique où n'importe qui peut dire n'importe quoi sans risquer absolument rien. Merci beaucoup, malheureusement, Tania Louis. On en rediscutera quand vous reviendrez. J'en ai en une phrase. Allez, en une phrase, une phrase. Ne faire confiance à personne sur YouTube ou ailleurs, toujours vérifier. Voilà, c'est une excellente conclusion. Merci beaucoup, Tania. On reconnaît bien votre sens de la formule. Allez, merci, Tania Louis. On vous retrouve sur Biologie Tout Compris. Et Marion Sabourdi, Laurent Chicoineau, merci d'avoir été avec nous pour parler des réseaux sociaux et de l'information scientifique. Je pense qu'il faudra faire une deuxième émission parce qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais on y reviendra avec d'autres intervenants ou avec les mêmes d'ailleurs. On verra ça dans quelques semaines. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Adèle Keglar aujourd'hui, la technique. Demain, nous partirons sur les traces d'un bond inconnu au-delà de la cordillère des Andes, un monde de richesse. Non, pardon. Nous nous intéresserons aux toutes premières civilisations précolombiennes, avant les Aztèques, les Incas ou les Mayas. Quelles sont ces petites civilisations éparses que l'on pense isolées mais qui ne sont pas dénuées de points communs? Quelle carte ethnographique peut-on dresser des premiers peuples de l'Amérique du Sud? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.